Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Garibaldi et l'unité italienne. Non dire mai male, dit Garibaldi. Ne jamais dire de mal de Garibaldi. En Italie, c'est plus qu'un proverbe, c'est une règle de conduite toujours en vigueur, autant pour les historiens que pour les politiciens ou même les simples citoyens. Giuseppe Garibaldi, dont la statue équestre domine Rome du haut du Janicule, est peut-être le seul vrai père de la patrie. Ne jamais dire de mal de Garibaldi, nous rappelle Pierre Lambert, l'animateur de l'émission Au fil du temps en 1993. Nous voilà donc prévenus. Mais blague à part, si Garibaldi est en effet considéré par les Italiens comme l'un des pères de l'unité nationale, ailleurs dans le monde, il est aussi très connu et souvent présenté comme un libérateur. Et c'est cet héritage que nous laisse Garibaldi en Italie, mais aussi en Amérique du Sud, qui va d'ailleurs lui valoir le surnom de « héros des deux mondes ». Et tout à coup, Garibaldi décide de rentrer. Et il part avec ses fidèles italiens. Ses fidèles italiens, ils sont 63, qui partagent ses combats depuis des années. Et tous vêtus comme lui, eh oui. Parce qu'un jour, il a revêtu une chemise rouge, que sur sa chemise rouge, il a placé un poncho blanc, et puis le grand chapeau de là-bas, eh bien, les autres. Sa légion italienne se sont tous revêtus de la chemise rouge. Ce sont les chemises rouges. Et ils arrivent à Nice, première étape, parce qu'il veut revoir sa vieille mère, son père est mort. Et lui, qui ne sait pas ce qu'il attend, stupéfait, voit toute la ville de Nice, sur le port. Et là, c'est un immense cri de joie, d'enthousiasme. Vive Garibaldi! Vive la liberté! Vive l'Italie! Et il ne comprend pas. Mais c'est qu'il est célèbre. Il ne le savait pas. Parce que tous ces exploits, vous savez, j'ai dû les raconter vite, hélas, mais on aurait pu faire une émission entière sur Garibaldi en Amérique du Sud, ses faits d'armes, ses batailles. Tous ces exploits, les Italiens les ont écrits en Europe. Et toute l'Italie est folle de ce héros d'Amérique qui s'appelle Garibaldi. Alors, à Nice, on accueille Garibaldi avec un enthousiasme fabuleux. Et alors qu'en Italie, au royaume de Piémont, le roi Charles-Albert prépare secrètement son attaque contre l'Autriche. Le roi Charles-Albert se rend compte qu'il y a une carte fabuleuse. Une carte qui s'appelle Garibaldi. On chante même en Italie des chansons sur le héros Garibaldi. Il s'est dit, il faut utiliser cet homme-là. Extrait de l'émission Alain Decaux raconte en 1972. Pour nous présenter l'immense Garibaldi, je reçois l'historienne Évelyne Ferron, qui est chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, professeure d'histoire générale au Collège Mérici de Québec et animatrice du balado L'incroyable histoire. Évelyne Ferron, bonjour. Bonjour. J'évoquais à l'instant, Évelyne Ferron, on présente souvent Garibaldi comme le héros des deux mondes. Pourquoi? En fait, parce qu'il a été, on l'entendait bien dans l'extrait, autant un héros du côté de l'Amérique du Sud, entre autres en Uruguay, on pense beaucoup à Montevideo, au Brésil aussi, et en Italie et même en France, à un point tel, en fait, où même sous Lincoln, lorsque la guerre de sécession va éclater, on a songé, en fait, à le faire venir pour aider les troupes de l'Union. Donc, c'est le héros des deux mondes parce qu'il va être un héros autant du côté des Amériques, surtout l'Amérique du Sud, mais aussi en Italie et même jusqu'en France. Alors, il portait comme ça deux univers qui ne se connaissaient pas si bien au 19e siècle, je dirais. Alors, voilà, c'est un peu ce qui lui donne ce titre parce qu'il a combattu des deux côtés avec des victoires quand même assez étonnantes à chaque fois. Donc, figure de grand libérateur autant en Amérique du Sud qu'en Italie parce que quand on parle d'unité nationale, on parle un petit peu de libérer l'Italie de ce nombre incroyable de royaumes, ce pays-là est morcelé à ce moment-là. Parlez-nous de l'importance qu'il a, Garibaldi, dans l'histoire du pays pour les Italiens. Mais pour les Italiens, c'est le révolutionnaire avec un grand R, la révolution. C'est celui qui, enfin, va avoir, je dirais, la fougue, l'énergie, le courage. Le courage va beaucoup ressortir en Italie avec Garibaldi. C'est vraiment comme un lion qui est capable d'affronter à peu près toutes les peurs. Mais il est porté par des idéaux de réussir à rassembler les Italiens en une forme d'unité qui est à la fois territoriale, géographique, mais aussi culturelle, qui même si ces idéaux-là existaient en Italie avant lui, ben lui, il va vraiment se battre pour cet idéal-là et va donner une Italie nouvelle. Donc, c'est un peu pour ça qu'on dit ne pas dire de mal à Garibaldi, mm-hmm. parce que même s'il n'y a pas que de la perfection dans son histoire, il y a de nombreux échecs, en fait, beaucoup de désillusions. Il a amené ça et derrière lui, eh bien, il a réussi peut-être, en portant ces idéaux-là, à ramener les Italiens à se dire, ben écoutez, même si on a été d'un côté conquis par les Autrichiens, de l'autre côté par les Français, nous avons la même langue, la même culture et nous sommes un peuple. Et c'est un peu ce qu'il porte. Et c'est la bravoure et c'est ce qui va faire en sorte qu'il va influencer Mussolini énormément, mais aussi le Che Guevara. Ah bon. Che Guevara est porteur, en fait, un peu de cette image de Garibaldi lorsqu'il qui lui aussi décide de libérer un peu l'Amérique du Sud. Alors, c'est un héritage qui est quand même assez costaud. C'est l'air célèbre, l'un des airs célèbres de l'opéra Nabucco de Verdi qu'on vient d'entendre. Cet air-là va devenir une espèce d'ode à la liberté, va se transformer en hymne à l'unité italienne, justement, au 19e siècle. Et Garibaldi, on l'a dit, est l'un des pères de cette unité italienne. Parlez-nous un petit peu de ce contexte-là, Evelyne Ferron, contexte dans lequel va prendre forme cette idée d'unité italienne, ce qu'on appelle aussi souvent le Risorgimento, auquel est associé évidemment Garibaldi et Verdi, dont on vient d'entendre un extrait de Nabucco. Oui, bien Nabucco, c'est Nabucodonosor. On fait référence à l'Antiquité pour faire comme une image, en fait, de ce qui se passe en Italie où un envahisseur étranger, dans le cas de Nabucodonosor, ce sont les Babyloniens qui envahissaient Jérusalem et qui, en fait, divisaient les Juifs à ce moment-là. On va un peu récupérer cette idée-là pour montrer qu'en Italie, ben, on a ce problème, entre autres avec les Autrichiens du côté de Milan et du nord de l'Italie, où on a une puissance étrangère qui s'impose sur notre territoire. Donc, c'est de là que vient un peu cet opéra. Et il faut dire qu'on est, effectivement, lorsqu'on arrive au tournant des années 1830, déjà, on a ce mouvement-là qui commence à s'appeler le Risorgimento, qui veut dire le renouveau italien. C'est l'idée de renaître, c'est la renaissance, c'est surtout la redécouverte de ses racines historiques et culturelles. Faire comprendre aux Italiens comment ils se sont retrouvés dans une situation où il y a tant de puissances étrangères, en fait, qui viennent à dominer la péninsule italienne, alors que les Italiens parlent, je le disais, tous la même langue quand même et ont une base culturelle qui remonte à l'Empire romain, c'est cette idée de se débarrasser peut-être des étrangers qui contribuent à créer une division, en fait, entre les gens en Italie. Donc, quand on parle du Risorgimento, vraiment, c'est de plus en plus fort à partir des années 1820, mais surtout 1830, où on commence à vouloir éliminer cette présence étrangère. Et ça correspond un peu avec ce qu'on sent ailleurs en Europe, cette espèce de montée de conscience nationale qui vont mener au Printemps des Peuples en 1848. Donc, c'est présent en Italie aussi, mais dans un contexte où on n'a pas d'unité. Alors, c'est vraiment à ça que ça fait référence. Et c'est dans ce courant-là que va s'inscrire Garibaldi, de redonner, quand on parle d'unité italienne, d'unité nationale, au fond, il y a un clin d'œil, corrigez-moi, Evelyne Ferron, mais il y a un clin d'œil à cette grande Rome où l'Italie existait culturellement, patriotiquement. C'est un peu ça, quand même, qu'on veut retrouver. Oui, bien, elle dominait la Méditerranée de par sa culture, de par son commerce et tout ça. Bien sûr qu'on on veut un retour à ça. Donc, quand on dit les racines culturelles, c'est de redonner aussi une fierté aux Italiens parce que c'est difficile d'avoir une fierté nationale quand vous êtes dominé par les Autrichiens d'un côté, par les Français de l'autre, et vous portez un peu en vous, je dirais, les cicatrices des guerres napoléoniennes aussi qui ont créé quand même beaucoup de problèmes en Europe. Donc, ces dissensions-là qu'on sent en Europe, on les sent aussi dans le partage de territoires en Italie. Alors, c'est très difficile pour les Italiens, en fait, d'être capable d'imaginer qu'ils pourraient à nouveau être unis. tous ensemble, que ce soit les idées de République des philosophes des Lumières ou l'idée d'une monarchie unique, c'est quelque chose qui semble très difficilement concevable, en fait, pour les Italiens à l'époque. Et sortir de ce territoire qui a été, au fil du temps, très, très morcelé, plein de petits, de petits royaumes, il n'y a pas encore à ce moment-là, et c'est ça que Garibaldi veut, entre autres, construire une unité, un grand pays italien, et ça va se faire par un mouvement politique auquel il va participer, et au cœur de cette participation à ce mouvement politique, il y a cette rencontre qu'il aura en 1833 avec Giuseppe Mazzini. Ça va être déterminant pour lui. On en parle dans un instant, mais à nouveau, un extrait de l'émission Alain Decaux raconte. Au port de Taganrog, plus précisément, il entre dans un café et il entend parler italien. Et dans ce café, il s'approche quand un Italien retrouve un Italien, il a envie de parler italien. Il parle avec ces Italiens qui lui disent « Mais Mazzini, ça ne te dit rien ?»« Ben non, ça ne disait rien à Giuseppe Garibaldi, Mazzini. » Et on lui dit « Mais enfin, Mazzini, la jeune Italie, il ne sait pas ce que c'est. » Et on lui explique ce que c'est que Mazzini, un autre théoricien, un Italien, lui, et qui, lui, vit pour la liberté de l'Italie, pour l'unité de l'Italie, parce qu'à cette époque-là, l'Italie, depuis le congrès de Vienne, depuis 1815, l'Italie, c'est un magma de petites principautés, de royaumes, c'est découpé, on a fait ça, on s'est mis autour d'une table, on a recréé un royaume de Piémont, un royaume de Naples, un duché de Modène, de Parme, la Vénétie, les états du pape. Et Mazzini dit, mais c'est effrayant. Nous sommes tous italiens, nous sommes 20 millions. Et pourquoi est-ce que nous sommes distribués comme des troupeaux à des princes qui sont des tyrans? Oui, des tyrans, car cette Italie-là, si vous avez lu ou vu à la télévision la Chartreuse de Parme, de Stendhal, eh bien, c'est celle-là. C'est-à-dire des petits tyrans locaux, la plupart du temps, avec des polices, un mot de trop, en prison. C'est étouffant, l'Italie. Et pourtant, ils aspirent tous à quelque chose, à être un seul État, à être 20 millions d'Italiens. Et Mazzini y aspire plus que les autres. Et il a créé ce groupe, la jeune Italie. Il écrit des pamphlets, des libelles, des journaux. Il est en exil. Et là, à Taganrog, un matelot lui dit, mais ça existe, Mazzini. Et où est-il, ton Mazzini? À Marseille, le port d'attache, justement, de Garibaldi. Quand il arrive à Marseille, il rencontre ce Mazzini. Et c'est alors une sorte de coup de foudre intellectuel. Mazzini plaît à Garibaldi. Garibaldi plaît à Mazzini. Alors, quelle importance a donc, aura donc Mazzini pour Garibaldi, Evelyne Ferron? Ben, il faut dire que Garibaldi, au départ, n'a pas nécessairement en lui cette idée de l'unité italienne. Bon, il est né à Nice, donc qui était un territoire français de l'Italie. C'est pas un homme qui aimait les études, donc il peut pas être en contact nécessairement au départ avec des grands philosophes et des théoriciens, je vous dirais, politiques comme Mazzini, parce que ben, c'est un homme qui a choisi la carrière maritime commerciale, mais c'est effectivement pendant ses voyages commerciaux qu'il découvre, avant Mazzini même, plutôt son associé révolutionnaire secrète qui s'appelle Giovine Italia, donc la jeunesse italienne ou la jeune Italie. C'est vraiment une association secrète et l'objectif, c'est qu'on passe par les jeunes qui n'ont rien à perdre. Et c'est cette espèce de mouvement qui va donner à Garibaldi cette idée que ben, le commerce, c'est une chose, mais unifier l'Italie, c'est un chemin de vie qui est beaucoup plus noble. Donc, c'est très important. Ça sème les graines de l'idée d'une liberté, mais d'une vie d'aventure qui est encore plus intéressante que celle du commerce chez Garibaldi. Ouais. Et il faut dire que Mazzini, à l'époque, bon, c'est un philosophe, c'est un politicien, parce que, bon, il a quand même une formation en droit. Il croit vraiment, en fait, que les idées républicaines... Il va s'en aller de plus en plus, lui, vers le socialisme, par contre, mais il sent que tout peut partir du peuple. Et si c'est le peuple qui réussit à rendre accessibles les connaissances en politique, etc., si on réussit à rendre ça accessible au peuple par les jeunes, on va réussir à unir tout le monde ensemble et à chasser, en fait, les puissances étrangères. Et ça, Garibaldi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, de comprendre qu'on peut, même si on fait pas partie de l'élite lettrée, on peut porter, en fait, un projet de civilisation. Et c'est là qu'ils se rejoignent, ces deux-là. Et il va y travailler, Garibaldi, à cette libération, à ce projet d'unité italienne. En 1834, et il travaillait très activement, en 1834 et très concrètement, il participe à un projet d'insurrection à Gênes. Ça échoue, ce qui fait qu'il est forcé à l'exil. Ça nous ramène à ce clin d'œil qu'on entendait au tout début de l'émission, ce héros des deux mondes. C'est à ce moment-là qu'il part en Amérique du Sud. Il va passer là plus de 10 ans, presque 15 ans. À quoi ça va ressembler, cet exil sud-américain? À apprendre à faire la guerre. C'est ça qu'il va apprendre. Et c'est ce qui est resté, je dirais, dans toute l'imagerie autour de Garibaldi. Parce que, bon, il planifie une insurrection du côté, bon, on le dit, de Gênes. C'est l'Autriche qui contrôle aussi une partie du nord de l'Italie. C'est à ça qu'on s'attaque à ce moment-là. L'insurrection, donc, est découverte avant qu'elle puisse avoir lieu en 1834. Et on le condamne à mort. Mmh. Il a le choix. Ou tu es pendu, ou tu t'en vas en exil. Il dit, ben, je vais m'en aller très, très loin d'ici. Ouais. Je vais m'en aller en Amérique du Sud, où il y a des dictatures. Alors, il va rester en Amérique du Sud de 1835 à 1848. Il va arriver au départ au Brésil. On est vraiment dans le mouvement où, en Amérique du Sud, on essaie de se libérer du colonialisme. Hein? Et c'est très, très fort ce qui se passe dans plusieurs pays d'Amérique du Sud qui veulent obtenir leur indépendance. Il arrive sous un faux nom, Joseph Payne. Et très vite, il va joindre les mouvements, justement, indépendantistes de la Rio Grande. Et il va très rapidement s'en aller vers l'Uruguay, à Montevideo. Et c'est là, vraiment, où on peut dire qu'il va passer du temps et qui va influencer Che Guevara par la suite, parce que c'est là qu'il apprend l'expérience militaire sur mer, sur terre. Il va se joindre aux francs-maçons qui se trouvent, en fait, chez l'élite, une partie de l'élite espagnole qui se trouve du côté de l'Uruguay, mais qui elle aussi, est portée par des idées peut-être un petit peu plus républicaines à ce moment-là. Et c'est là, on l'avait entendu au début de l'émission, qu'il va commencer à porter des chemises rouges et il va prendre le chapeau de gaucho des ranch argentins, cette espèce de petit chapeau un peu rondelet, bleu, souvent avec une petite plume. Et très vite, ben, ça va devenir un symbole du mouvement de libération. Les Autrichiens, d'ailleurs, quand il rentrera en Italie, vont le surnommer le démon rouge à cause de ça. Il va apprendre vraiment à se battre. Comment on organise des guérillas? Comment on peut déstabiliser des armées organisées avec une partie de la population? Et il rencontre sa femme, hein? Sa femme qui est d'origine portugaise, indienne. Elle est très mélangée, Anita, qui est tout aussi portée par des idéaux de liberté, qui va combattre à ses côtés et mener des unités avec lui. Alors, c'est un couple, en fait, qui se met en place à partir de ce moment-là. Sa femme a moins passé à l'histoire, malheureusement, mais elle est là. C'est important de mentionner qu'il n'est pas seul dans cette espèce de construction de ce qu'est une guérilla qui peut donner des résultats. C'est vraiment ça, l'impact. Et c'est là qu'il acquiert sa réputation de grand libérateur. Et quand il revient, puis Alain Decaux en parlait un peu plus tôt dans l'émission, en 1848, quand il revient en Italie, c'est comme ça. Il est très connu, il ne le sait pas, mais on a suivi ses exploits sud-américains depuis l'Italie. Il revient en 1848, il va devoir repartir assez vite en exil. Qu'est-ce qui se passe durant cette période-là? 1848, dans le monde entier, c'est une année qui est très particulière. C'est le printemps des peuples. Hein. Il y a beaucoup de mouvements révolutionnaires indépendantistes partout dans le monde, notamment en Europe. Garibaldi dit « c'est le temps, là, on peut y arriver ». Alors, il se met au service de l'unification de l'Italie parce que le mouvement n'est pas mort avec son exil. Le mouvement a continué. Comme je disais, Mazzini va même faire migrer un petit peu le mouvement vers un mouvement d'unité nationale. Donc, il n'y a plus vraiment le mouvement révolutionnaire de la jeunesse d'Italie, mais il y a d'autres genres de mouvements qui sont au service de l'unification de l'Italie. Et on sent que Victor Emmanuel II, qui est le roi de Savoie, réalise que ce serait important d'avoir un seul souverain pour une unité italienne. Et il se met à son service à partir de ce moment-là. C'est sûr que là, il va travailler avec une armée de volontaires bien entraînés qui ont entendu parler de lui. C'est ça qui est important. Les gens ont su que cet homme-là avait fait des choses incroyables en Amérique du Sud, donc on le veut. Et il va entrer à Rome et proclamer une république romaine en 1848. Les journaux internationaux ne se peuvent plus. Ils ont comme une espèce de leader charismatique qui arrive un peu de nulle part à partir de ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il fait à Rome? Pourquoi? Mais c'est une défaite militaire. En fait, il n'est pas assez bien organisé. Et donc, il est forcé à un nouvel exil dans la chaîne des Apennins. Il y a ce mythe très italien qui dit qu'il aurait dit « Qui aime l'Italie, me suive! » Et donc, c'est le froid, c'est la faim, c'est l'isolement pour les troupes. Et donc, ils vont y rester jusqu'en 1860. Sa femme va mourir, d'ailleurs, du froid et des conditions impossibles qu'on va vivre dans les montagnes. Donc, ça prend des durs à cuire, je vous dirais, pour suivre Garibaldi pendant cette dizaine d'années-là. Et c'est en 1860, justement, qu'il part avec ses hommes, ses 1000 hommes, ses fameuses chemises rouges, à la conquête de la Sicile pour prêter main-forte à Victor Emmanuel II. Parlez-nous, Évelyne Ferron, de cet épisode important de l'histoire de la réunification italienne. C'est à peu près 1000 hommes, effectivement, avec les chemises rouges, qui décident d'aller prêter main-forte. On sent en 1860 que là, c'est possible. Ça va mal partout dans le monde et là, on sent que les Français sont obligés de rebrousser chemin. Les Autrichiens ont leurs propres problèmes. Donc, si on a créé une brèche, c'est ce moment-là. Alors, on s'en va du côté de Palerme et la petite guérilla, les petites troupes très bien organisées, par contre, de Garibaldi, qui ont la couenne dure, si vous me permettez l'expression. Ils ont vécu dans des conditions extrêmes. Il n'y a rien à leur épreuve. Bien, ils arrivent à faire la conquête de Palerme et graduellement, du fameux fameux royaume des deux Siciles. Et ça, c'est quand même un territoire qui était très résistant à l'unité italienne, qui a une histoire un peu indépendante des autres territoires de l'Italie aussi. Et il se proclame dictateur au nom de Victor Emmanuel, un peu comme Jules César. On fait des liens avec l'Antiquité romaine ici. Et il va proclamer Victor Emmanuel roi. Victor Emmanuel là, qui va arriver en octobre 1860. Et là, avec ça, c'est vraiment le début de l'unification italienne et de la création du royaume de l'Italie, parce qu'au-delà de Rome, on va réussir à pas mal unifier tous les territoires sous l'autorité de Victor Emmanuel II, et des fois avec une certaine aisance, parce que comme les gens commencent à attendre cette unité-là, qui peut donner, je dirais, une forme de aussi d'unité économique. C'est le début de la révolution industrielle. L'Italie étant tellement divisée, c'est difficile, en fait, de pouvoir entrer là-dedans. Les gens le veulent. Alors, on a vraiment... C'est associé au début de l'unification italienne et on peut dire que c'est le gros fait de Garibaldi parce que grâce à la conquête du royaume des deux Siciles, eh bien, il a donné la lancée qui va permettre, là, en moins de 10 ans, l'unité totale de la péninsule italienne. Donc, c'est un grand coup d'éclat et c'est historique, en fait, comme mouvement. Et puis après ce grand coup d'éclat, il a de la difficulté à lâcher le morceau, comme on dit. Un petit mot, parce qu'il va repartir en France. Il va essayer de, là-bas de reparticiper à une certaine agitation militaire, entre autres une victoire à Dijon. Quelques mots là-dessus, là, rapidement, mais à quoi ça ressemble, cet épisode français et puis sa retraite qui suivra jusqu'à sa mort en 1882? Ben, en France, c'est sûr que c'est une période un petit peu trouble quand même. Et c'est surtout qu'il est beaucoup apprécié des Français parce qu'il est porteur des idées des philosophes des Lumières, l'idée de liberté, l'idée qu'on donne un certain pouvoir au peuple. Et en même temps, il faut dire que Victor Emmanuel II, s'occupant en fait de la gestion politique, ben Garibaldi est comme laissé avec rien. Alors, il s'est retiré sur l'île de Caprera et il s'ennuyait. Alors, quand on va l'inviter venir aider, en fait, pour rétablir une forme de république en France, ben, il va y aller. Il va gagner, oui, une victoire à Dijon, mais le fait qu'il s'implique en France dans les années 1860, en fait, ça va plutôt donner l'envie de l'amener aux États-Unis. Je dirais que c'est là, en fait, que c'est peut-être le plus intéressant. On va l'élire député en France en 1871, mais bon, il y a beaucoup de réactions. Les gens se disent, mais c'est un Italien, qu'est-ce qu'il fait là? Mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est le côté américain, parce qu'il a résidé brièvement en 1850 du côté de New York avec l'inventeur un peu du téléphone Meucci, un autre Italien. Il y a un musée d'ailleurs qui leur est dédié dans l'État de New York. Mais c'est tout ce qu'il fait, le fait qu'il est capable, bon, il est appelé en France à mener des petites troupes parce qu'il mène toujours des petites troupes. Ouais. Donc Dijon, c'est ça, c'est une petite troupe encore une fois, amène cette idée pour l'entourage de Lincoln qu'on pourrait utiliser un homme comme ça pour peut-être faire faiblir en fait les troupes confédérées qui se mettent en place lorsqu'éclate la guerre de sécession. Et Garibaldi dit, ben moi je serais prêt, mais il faut que vous me promettiez que l'esclavage va être aboli. Mais Lincoln n'est pas encore capable de promettre ça parce que bon, ben son projet politique n'est pas encore passé. Alors la France c'est une chose parce que les Français l'admirent, mais je dirais que les Américains ont beaucoup admiré cet homme-là aussi, à un point où on a espéré l'avoir là, pour régler la guerre de sécession. Donc ça c'est assez intéressant. Et on l'a comparé d'ailleurs à Lafayette qui lui a accepté et est allé donc se battre mais à la guerre d'indépendance. Évelyne Ferron, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, professeure d'histoire générale au Collège Mérici de Québec, animatrice du balado L'incroyable histoire. Merci, Évelyne. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.